بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. Troisième conférence sur la fraternité en islam de Munir al-Maghribi حفظه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله جل وعلا لكتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أيها الإخوة فمن نعم الله عز وجل علينا وهي كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى هذه النعمة المذكورة في هذه الآية parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait qui est cité dans ce verset قال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة الأخوة في الله والمحبة فيه أي la fraternité qui est basée sur ce din والمحبة أي سمي في الله فهذه من أجل وأعظم النعم قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة الحديث حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول أين المتحابون بجلالي أي لبيرسون qui se sont aimés fillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah il dira ayna al-mutahabbuna bi jalali. Wa qala azza wa jal al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ça c'est une des récompenses et un des bienfaits de cette ni'mah. Ay ceux qui se sont aimés fillahi azza wa jal avec sincérité. فيوم القيامة إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم ils seront تحت هذا الظل أي sous cette ombre فهذه الأخوة الإيمانية والمحبة في الله على منزلة عظيمة عند الله سمي في الله et la fraternité qui est fondée sur le kitab et sur sunna على un rang élevé عند الله سبحانه وتعالى Chaque musulman et chaque musulmane, ils doivent donner de l'importance à ce fondement. C'est un fondement de la religion. Al-mahabba billah, wal-ughuwa billah, wa al-ijtima' ala dhalik. Yaqulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabir min nur. Ceux qui se sont aimés fillahi azza wa jal, ils ont été rapprochés par rapport à l'islam, par rapport à la sunna et rien d'autre. Ha'oula yawm al-qiyamah lahum manabir min nur. Le manabir c'est jam'u minbar. Ils sont assis sur des manabirs et ces manabirs ils sont faits de nur. Qala azza wa jal yarbituhum an-nabiyyun wash-shuhada. يغبطهم النبيون والشهداء حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام la منزلة qu'ils ont عند الله والشهداء كذلك les martyrs ils environ هؤلاء qui se sont aimés في الله عز وجل فيجب علينا جميعا أيها الإخوان أن نعتني غاية العناية لتحقيق هذه الأخوة هذا الأصل العظيم. On doit faire des efforts, toujours se s'entraider, toujours continuer à parfaire cette أخوة في الله عز وجل. واعلموا ووفق الله الجميع أن لهذه الأخوة الدينية حقوق وثمرات. Cette أخوة الآن, on a lu quelques hadiths pour montrer la valeur et le rang de cette mahabba billahi azza wa jal. Et a'lamu anna cette mahabba elle a des huquq wa des thamarat. C'est pas mujarrad un ism, c'est pas mujarrad une prétention. Là, c'est des a'mal, c'est des choses qui montrent que la personne il est sincère dans la mahabba envers son frère. فلا يجوز لنا إهمالها ولا التهاون بها أي بهذه الحقوق والثمرات. On n'a pas le droit en tant que sunni, en tant que musulman, de délaisser ces choses. أبدا. ونحن بهذه الكلمة إن شاء الله dans cette كلمة مختصرة on va citer quelques حقوق وثمرات لهذه الأخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم, من الحقوق والثمرات لهذه الأخوة. فparmi les droits que le frère il a sur son frère et les fruits كذلك de cette fraternité, التعاون على الخير, أي s'entraider dans le bien. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. On doit s'aider أيها الإخوان في الخير في الحق. On doit s'entraider في العلم. On doit s'entraider dans tout ce qui touche à notre religion. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسو التعاون إليه في أبواب الخير. أما une chose qui contredit السنة, une chose qui est haram, une chose qui contredit la voie des salaf, فهي هذا لا يجوز التعاون أبدا. التعاون في الآية لمقيد بالبر والتقوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Et ça c'est الثمرة, ça c'est le fruit de cet amour que t'as envers ton frère et cette entraide. Allah subhanahu wa ta'ala إن شاء الله تدر الجزاء من جنس العمل. فكما أنك تأيدي ton frère, tu veux le bien pour ton frère, tu veux faciliter à ton frère, فهكذا الله سبحانه وتعالى إلي في عونك. فالتعاون مهم, خاصة أنتم أيها الإخوان وزد في بلاد الغربة في بلاد الكفر والأعداء sont كثير, الكفار من جهة والمنافقون من جهة والجهال كذلك. تسا أنتم وزت قلة وزت على الحق بإذن الله عز وجل, فلا بد من التعاون, لا بد من التعاون مع أخيك. كذلك من الحقوق والثمرات التناصر. في الحقيقة ساسوي لو برومي بوان التناصر. At-tanasur, ça vient de Nusra. Aï, tu secours ton frère. S'il est dans une difficulté, il est à la haqq, et les gens, ils parlent sur lui, ils le critiquent, ils mettent en garde. Anta-tansur, tant qu'il est à la haqq. Qala al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ansur akhak, zaliman aw madlouma. Hakadha al-mu'min avec le mu'min. Il y a une Nusra, il y a un ta'awun. Al-Muslim, il n'est pas tout seul. Tu vis en communauté, ya akhi. T'as des frères avec toi, t'as des proches. La bout de l'ta'awun. La bout de l'ta'awun. Et chacun y participe avec ce qu'il peut. Fi hada ta'awun. Chacun y fait selon ses capacités. Et tout ça selon al-kitab wa sunnah. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Fi hada al-ayyam, ta'lamun anna kathir min an-nas et combattre هذا المنهج السلفي الأصيل النقي. Ils le combattent ليل ونهار. Ils le combattent avec des livres, avec de l'argent. Ils le combattent avec les jam'iyat, les hizbiyya. أنت أيها السني. Tu dois sortir ton frère s'il est à la haqq. تعبده. بإذن الله, si tu peux dire كلمة الحق, لا شك أن le frère qui est secouru, ça lui fait plaisir. كذلك الأخ الظالم. لأن في الحديث قال عيسى الظلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. المظلوم c'est واضح, comme on a expliqué. كذلك الظالم. Un frère, il est injuste envers lui-même, il est injuste envers un autre. ننصره. وجاء في الحديث أن نصره سبي حجزه عن هذا الظلم. Et si on sait qu'un frère, il dévie, il se fait du mal à lui-même, il fait du mal aux autres, et Allah Azza wa Jalla, on le sort. Et notre nasr, huna, comment le secourir dans ce cas? On lui montre. Et on l'empêche de faire ce mal. Et bien, Allah Azza wa Jalla, il y aura du khayr azim. كذلك من الحقوق لهذه الأخوة الدينية التناصح. أي se conseiller entre frères, وهذا c'est مهم. التناصح لله وفي الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتأمل أخي الكريم في حديث ميديت بيان سوغ سو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاسي النصيحة كأنها الدين أوتي. الدين النصيحة. هذا الدين اللي فوندي سوغ التناصح. On se conseille entre nous. On se conseille entre nous. Si on voit un frère qui fait une chose qui n'est pas légiférée, qui contredit le haqq, on conseille. Nous, on n'a que ça avec le haqq. On lui montre. S'il accepte, alhamdoulilah. Et s'il n'accepte pas, au moins, tu as appliqué ce hadith, tu as appliqué ce wajib envers ton frère. Nasiha, c'est muhim. La yajouz al-sukut. Se taire alors qu'on a le haqq, alors qu'on peut montrer. La budmin al-nasiha. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يفز البيعة يفز البيعة au prophète عيسى السلام. Et parmi les choses dont يفز البيعة النص كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث متفق عليه. فparmi les choses dont ils prêtaient allégeance رضي الله عنهم أنهم يكونسيل chaque مسلم. Chaque مسلم. Quelle est la faiblesse? ربما il a glissé. ربما il s'est trompé. ربما il est motivé. On le conseille, on l'encourage. هكذا. Comme il a démontré le prophète صلى الله عليه وسلم للمؤمن كالبنية. C'est comme une construction. Dans le hadith al-akhar, al-mu'min lil-mu'min kal-jasad. C'est comme un corps. Hakada al-mu'mini. Mu'mini, ils s'entraident fil haqq. Ils se conseillent al-tanasur. Kadalik, min al-umur al-muhimma. Wa min al-hukuk al-azima. Al-afu. Wa al-sabr. Ma'a akhik. Aïe, le pardon. La patience. Al-rifq, la douceur, kadalik. Ya jama'a. On vit dans un zaman, en fait, أن الإيمان il est ضعيف. العلم il est أكثر ضعفا. كذلك السنة il est pas propagée partout. La raïve, ولا شك أن بعض الإخوان ils se tromperont. Ils feront des erreurs. Fulani glisse. لابد من الرحمة. Faut qu'on a cette رحمة entre nous. العفو. كذلك الصبر. ربما frère, t'entends une kalima, t'entends une chose, mais pas معصوم. On est des masakines, on est des du'afa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rahmé bihada d'din. Alabu tahqiq hada. Al-afu wa s-sabr. Tant que ton frère il est à l'al-haq. Tant que c'est ton frère et tu sais qu'il aime sunna, tu sais qu'il aime hada al-manhaj. Al-manhaj al-salafi al-asil. Hada al-hal, anta, si il se passe une chose, une kalima, il a fait quelque chose, bab al-ghufran, bab al-tawba, il est ma'lou. يقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صاص من صفات المؤمنين والعافين عن الناس, أي من صفات المؤمن parmi les caractéristiques du mu'min c'est qu'il a العفو, il pardonne. Satan, si son frère qui a fait une erreur, il fait des efforts, il regrette, il demande pardon, on est obligé de lui pardonner. وقال سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Ça c'est min azm al-umur ya jama'a. Ça c'est min al-akhlaq al-aliya. Ay as-sabr wal-ghufra wa la man sabara wa ghafara. Wa hadha nabiy min al-anbiya alayhi as-salatu was-salam darabahu qawmuh fa admu wa huwa yamsah ad-dam من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. هذا النبي من الأنبياء. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous raconte son histoire comme في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن un prophète parmi les prophètes son قوم ils l'ont frappé. تأمل أنت et médite bien الآن sur ce qui s'est passé. Il les appelle au حق, c'est un prophète. هم tout ça ils répliquent avec la violence. حتى ils lui font couler son sang. De son visage. Nabi min al-anbiya wali min awliya illa. Hada al-nabi. Vu qu'il est, son comportement, il est fondé sur ces caractéristiques qu'Allah il a cité. Al-afu. Was-sabr. Qala Allahumma ghfir li qawmi. Fa innahum la ya'lamun. Hakada al-mu'min. Il veut le khayr aux autres. Et chacun sa place. Chacun sa place. Amma al-mu'anid, celui qui veut faire du mal. Hada sha'nu. نحن نتحدث الآن مع الجهال, مع celui qui veut le haq, مع celui qui aime منهج الأنبياء, مع celui que si tu lui pardonnes et si tu te comportes bien avec lui, بإذن الله ça le touchera. بإذن الله. يا جماعة تعلمون أن من أعظم أبواب الدعوة c'est الأخلاق والأعمال. لا شك ولا ريب أن العلم, la science, c'est le fondement de la دعوة. C'est la base. فعلم أنه لا إله إلا الله. C'est la base العلم. لكن كذلك خاصة les personnes qui n'ont pas du علم ou qui n'ont pas assez de علم pour faire دعوة, يا أخي t'as un باب عظيم pour faire دعوة. Ton comportement, tu pardonnes tant que ça ne nuit pas à la religion bien sûr. Tu baisses les yeux sur certaines choses, tu fermes les yeux sur certaines choses. Les personnes si ils te voient بهذه الأخلاق, tu verras que كثير من الناس vont s'approcher. كثير من الناس vont vouloir apprendre ce que tu as appris. كثير من الناس vont vouloir emprunter ce chemin que tu suis. بإذن الله عز وجل. فاصبر أخي على إخوانك. يا جماعة, on est obligé de patienter les uns sur les autres. قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Moi pour toi je suis une fitna, toi tu es une fitna pour moi. وهكذا. On est obligé de patienter les uns sur les autres. Si أخي tu patientes pas pour moi, qui c'est qui va patienter? الكفار أبدا ils ont pas de rahma. المبتدعة أبدا ils ont qu'un but, c'est de faire du mal à أهل السنة. الجهال مساكين ils peuvent faire des choses sans s'en rendre compte, sans le vouloir à cause de leur ignorance. Ils voient pas loin là-haut. Entre nous, entre أهل السنة, inshallah الصبر. كذلك avec les autres. خاصة si ça contredit pas le dîn bien sûr. كذلك يا جماعة الصبر كما قلنا déjà dit على العوام. يا جماعة كثير من الناس يكونس pas السنة, كثير من الناس يكونس pas السلفية, خاصة العوام في المساجد tes parents اصبر عليهم c'est des مساكين. العوام ils peuvent rejeter une سنة ou ils peuvent critiquer le حق ou le combattre, لكن c'est pas le même combat que le كفار و المبتدع أبدا. Ils sont poussés par leur passion, al-shaytan. Comme on a expliqué, le comportement, ça joue un grand rôle. Wallahi, anna a'ammi rubbama. Tu lui cites un hadith, un verset, rubbama, il ne comprend pas certaines choses. Rubbama, il voit ta patience et ton comportement et ta douceur. Rubbama, c'est a'dam da'wa pour lui. Kadhalik, min al-huquq wa thamarat, al-rifq. كما نسيت الرفق. الله سبحانه وتعالى يقول واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك. Ça c'est un مثال أن tu dois être modeste avec les مؤمنين. كثير من الناس مساكين خاصة الآن خاصة في بلاد الكفر. لا كثير من الناس مساكين ils ont plus ce principe. ما يدري. Il se prie le حق. S'il trouve la dureté qui passe à place عند السني. فربما un مبتدع كما تعلمون. Un sourire et il lui injecte sa da'wa, son venin. Enfin, là bout de la personne, il prend ses responsabilités. Et tu vois loin. Anta, en tant que sunni, t'es un da'i ila Allah, bi'idnillahi azza wa jal. Yaqulu Allah azza wa jal, walau kunta faddan ghaliz al-qalb, lam faddu min hawlik, fa'afu anhum, wastaghfir lahum. Walau kunta faddan ghaliz al-qalb. Hada, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait un cœur dur et un comportement dur, les gens ils se seraient sauvés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient de l'Badia, les Bédouins. Rubbama, il secoue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prend par son camis, il le secoue. Ya Muhammad, donne-moi de l'argent du jihad, c'est pas l'argent de ton père. Et il le secoue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le sourire, il lui donne. Bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait comment se comporter avec Haoula. Il sait que c'est une personne capable d'ilm, c'est une personne. Avec la patience, Rubbama, ça sera un de tes alliés les plus fervents. Bi'idnillahi azza wa jal. Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma kana rifq fi shay illa zana, wa ma nuzi'a min shay illa shana. Al-rifq avec al-muslimin, avec l'awam. Al-rifq avec les parents, al-rifq avec l'awlad. Al-rifq avec l'ahl. Al-rifq, labud, al-rifq, quand c'est dans une chose, elle l'embellit. Et après, ahyana, nous, on a des faiblesses. Tu veux conseiller, tu veux rappeler, ahyana, on osse le ton. Ah, on s'énerve. Alors que cette kalima que tu veux propager, avec la douceur, ça sera la même chose. Belle, avec la douceur, mais idnillah, les gens, ils auront beaucoup plus de facilité de l'apprendre. Ba'dannas, wallah, ils rejettent le haq, là, annahu, c'est haq. Ils savent très bien que c'est haq. Lakin, la façon dont on leur a montré, c'était un peu dur, il n'y avait pas assez de douceur, ils rejettent à cause de la méthode. فيجب أن نتقي الله جميعا كذلك من الأمور المهمة والحقوق العظيمة الإصلاح بين المؤمنين. Tout ce qu'on a cité auparavant, on a compris أن on n'est pas معصوم. قد يحصل الخطأ والزلة والنسيان والغضب et شيء من الهوى هذا يحصل لا محالة. لكن يا جماعة, quand il se passe quelque chose, il y a des solutions. Vu qu'on n'est pas معصوم, on fera des erreurs. لكن إذا حصل شيء بين الأخ وأخيه أو التلميذ ومدرسه أو المرء وأهله بإذن الله, il peut arriver des choses تسبب النفرة. Ces choses, ça provoque la division. Oh, Foulan, il veut plus parler à Foulan. Oh, Foulan, il fait la tête à Foulan. On applique ce point qui est azim, al-islah. On essaye de réconcilier, on essaye de réformer. Amma, téléspectateur, واحد, كأنه, ça ne le regarde pas. Allah, il est dans des endroits, واحد, il ne parle pas à واحد pendant des années, Obama, pendant des mois, des années. Tu viens et tu regardes l'asl. C'est quelque chose de futile min umur ad-dunya. Wa al-musiba anna ba'd al-ikhwa utu wa la ahad yatakallam. Ya juz hadha al-hal. Hadha al-hal on fait un effort. Ya fulan ta'ala, c'est toi, ya fulan, on essaie de réconcilier. On donne le haqq au muhiq. Al-islah, ça veut pas dire on ferme les yeux comme s'il n'y avait rien. Abadan. Al-islah, ay celui qui est muhiq, on lui donne son haqq. Celui qui s'est trompé, demande pardon. Hadha. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. هذا من الشيطان. الشيطان يا جماعة من أكبر الأعداء. من أكبر الأعداء. C'est un عدو pour toi. Et c'est un عدو que tu vois pas et qui te combat ليل ونهار. Et parmi le combat qu'il faut au مؤمن, هذا ينزغ بينهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ça te montre que la plupart des problèmes entre mu'minin, c'est à cause de la parole. Une kalima, Rubbama, tu vexes ton frère. une kalima, ربما il la comprend mal. Le shaitan, il en profite. ففي هذا الحال قال عز وجل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أولا أنت تدوى صبوة أن الشيطان fait tout pour mettre la discorde entre toi et ton frère. فاحذر. Prends garde. Fais attention. Une chose futile, ferme les yeux. Pardonne. Explique-toi. Demande ton haq. قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. تأمل هذا الحديث العظيم. البروفيت عليه الصلاة والسلام إدي أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول est-ce que tu veux que je t'informe d'une œuvre elle est encore à la plus de valeur que الصيام والصلاة والصدقة. طبعا هنا المراد بالصلاة والصيام والصدقة أي النافل. أما أركان الإسلام فسيبا المراد في هذا الحديث. فهنا سي النوافل. فأعظم من هذه النوافل جوني لاندي جودي أعظم من قيام الليل أعظم من الصدقة أي لارجون تو با دوني أو بوغ أي تطوعا أي إن شوز كي ا بلوس دو فالور كو تو سا. قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أي réconcilier entre deux frères. Réconcilier entre Al-Mar wa Zawji. Réconcilier entre le fils et le père. Allez, c'est des a'mal aliyah, ya jama'a. En haqiqa, on a de la ghafla. On a de la ghafla. Via on se corrige. Quand on sait, khasatan, que c'est une chose futile, on n'attend pas que les choses ils augmentent. Inna shaytan yansar baynahum. Shaytan, il fait tout pour empirer les choses. On essaye de résoudre les choses. Tout ce qu'on dit, c'est des choses qui touchent pas au din, bien sûr. Amma fi dinillah, une bid'a, ou une hirab, ou hizbiya, ou dhalal wadih, la bud la personne qu'elle arrive à dire, on le conseille, ou la bud min tauba. La bud al conseil, ya jama'a, il est à la kulli hal. El rifq, il est fi kulli hal. Donc, bi idnillah, on espère une thamara. Ikhwani, كذلك الحقيقة الحقوق كثيرة هذه المسائل العظيمة تحتاج أكثر لكن يعني on finit avec الاحترام avec ce point qui est عظيم الاحترام والتقدير le respect entre frères والتقدير et faire attention à l'ihtiqar ne jamais rabaisser un frère أبدا c'est ton frère في الله إلى لا بين عقيدك تو إلى المن منهج كتو ولا يجوز حقر قصص واكوز دين أوريجين أو أكوز دين فبلس أو أكوز دين فيشي أبدا المؤمن للمؤمن كالبنية يشد بعضه بعضا سي تدي فاسيليتي دون شوز فاسيليتا تون فخا بإذن الله الله يفاسيليتا سي تكونك اون شوز كتون فخا إلا با كومبري اكسبليك لي أما الاحتقار واللمز والغمز فهذا صفد مل ومؤمن قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ما تدري أنت peut-être que cette personne que فلان يسمك دوني لا ربما عند الله لأفضل منه ربما cette personne que nous on pense c'est un mesquin ربما عند الله في الجنة في الدرجات العلا فلا بد la personne إلى استواضع Et anta ce khayr que ta, c'est min indillah. Labud min al-shukr. Labud min al-tawadu. Qala alayhi salatu salam, kama fi hadith Abi Hurayra, al-muslim akhul muslim. La yakhounuh, wa la yakdhibuh, wa la yakhdhuluh. Ça c'est parmi les comportements et parmi les fruits de cette fraternité. Al-muslim akhul muslim. Ça c'est l'ukhouwa, la fraternité. La yakhounuh. أبدا لا يخونه في ماله في أهله في عرضه أبدا il le trahit pas c'est un frère s'il y a quelque chose qui va pas contre lui أما la trahison c'est خطير جدا قال عيسى السلام ولا يكذبه كذلك si c'est une personne on connaît qui parle بحق on n'a pas le droit de le démentir بدون دليل أبدا حتى si tu sens qu'il s'est trompé comme on l'a expliqué bref pas directement فلان t'es un كذاب فلان أبدا يا فلان فيريفي تون انفورماسيون يا فلان Inch'Allah, on a besoin d'une source de hadal kalam. Qalil qalil, si c'est trompé, tu lui montres. Malal qaswa wal ghalla, ça fait plus de mal qu'autre chose, ya jama'a. Wa qala Isa alayhi salam, wa la yakhdhul. Wal khudlan, ça fait beaucoup de mal au mu'min. Al khudlan, ay, ton frère, il est fidhiq. Robbama, il est seul. Il a le haq. Il a besoin d'être secouru. T'as on en a dans ce hal quand t'es tout seul. T'as le haq. Robbama, al hizbiyin, min jiha, al kuffar, min jiha, al juhal, les parents, al. Robbama, la personne, il se retrouve fidhiq, la ya'lamuhu illallah. S'il trouve un frère qui l'aide avec une kalima, avec un sourire, et il sent qu'il est aidé par son frère, il y a dal hal yartah. Même s'il est seul. Amma al khudlan, c'est avec tout ça, et le frère yakhdhulu. Aïe, il peut le secourir et il le laisse. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu al muslim ala al muslim haram. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Hakad al mu'minin entre eux. Irduhu. Abadan, on critique Fulan par derrière, ou sa famille, ou son irdu. Abadan. S'il y a quelque chose, on le répète. Nasiha. Nasiha. Là, le but, c'est de corriger ce frère. On est aussi la glisser. On doit nous comprendre, wallahi alhamd, les frères, inshallah, ils sont à la khair, il y a des janib, là, qui m'en bab, al-nasiha wa dhikra, al-dhikra, t'enfa'u al-mu'min. Si un frère, il a du mal, un frère, il glisse, un frère, il. Tant que ça reste un sunni à la khair, le but, c'est de le relever. Le but, c'est pas de l'achever, abadan, ça, c'est pas min alamata al-sunna. Le but, c'est de l'aider. Et aujourd'hui, c'est lui qui a glissé, demain, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi qui l'aides, demain, c'est lui qui t'aidera. Al-rifq, al-rifq, wa al-inaya bi talab al-ilm. Il y en a toutes ces choses l'an. Plus la personne il fait des efforts dans l'ilm, plus bi-idnillah azza wa jal, il aura ce fruit. Kadhalik, qawl al-Nabi alayhi salatu wassalam, kama bi hadith Abi Huraira, al-hadith al-sahihay, qala haqqul muslim ala al-muslim khamsun. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montre qu'on a le droit du muslim, ala al muslim, cinq choses. Qala raddu salam. Ça c'est muhim, ya jama'a. As-sunni la yahjur as-sunni. Al-hajr, c'est les ahl al-bid'a. C'est les ahl al-dhalal wal-inhiraf. Hajr al-kuffar. Wa hajr bilad al-kuffar. Wa hajr tout ce qui est rapport avec dhalal, que ce soit livre, cassette, ou site, ou. Hala, vi hada al-hal, on fait l'hajr. Akhouk as-sunni, al-mu'min. C'est un vaïf, roubama, il a une faiblesse, roubama, il la reconnaît, il a juste hajr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et, bab al-Nasiha, c'est ouvert. Kama taqaddam. Kadhalik, qal wa iyadatul marid. Hada, c'est muhim. Entre nous, on doit avoir cette relation. Daïman, un frère, il est parmi à la mosquée lundi, mardi, aïna voula. Il est malade, bi-idnillah, on le visite. Ça, c'est min haqqihi alayna. C'est un droit qu'il a sur nous. Kadhalik, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa tiba' al-janaiz. Kadhalik, s'il meurt, on suit le janaiz. Qala wa ijabat al-da'wa. Kadhalik, s'il nous invite, on répond. Ça, c'est min haqqi alayna. Amma ne pas répondre, ça le blesse. Tant que, bien sûr, cette invitation, elle ne contredit pas le kitab ou le sunnah. Kadhalik, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa tashmit al-a'tis. Tashmit al-a'tis. Quand il est éternu, il dit alhamdulillah, on dit, ya rahmukullah. هذا الذي يعني أردنا والحقيقة الكلمة والموضوع يستحق أكثر من هذا لكن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ونسأله عز وجل أن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين